Chapitre 12e. Rien de plus pénible que de sentir contre soi ceux qui vous entourent. Cette preuve était réservée à Barbara à la suite de son entrevue avec son père. Dès qu'elle est de retour chez elle, elle raconte à sa mère et à sa sœur l'entretien avec M. Trevenock et elle leur déclare franchement qu'elle a refusé les millions de M. Penruff. Mme Trevenock et Florence, sur qui la pauvreté pèse lourdement, ne comprennent pas le refus de Barbara. Mais ce qu'elle regrette encore plus, c'est qu'elle ait ainsi sacrifié la réalité à un vain fantôme. « J'aurais tant aimé voir Barbara dans une situation brillante, » dit Mme Trevenock à Florence. « Nous serions allés en villégiature à Penrith Place, respirer le grand air, nous promener au bord de la mer. »« Oui, cela eût été délicieux, » reprit Mme Trevenock, qui n'avait pas quitté Camberwell depuis 7 ans. L'hiver est des plus rigoureux. Le combustible coûte cher. La vie est difficile pour Mme Trevenock et ses filles. Barbara se rappelle la tendresse de Ruth pour Noémie, et elle se dit qu'il ne tiendrait qu'à elle d'entourer sa mère de confort et de luxe. Cette pensée lui serre le cœur. « Ma mère !» parfois s'écrie-t-elle, en serrant Mme Trevenock dans ses bras. « J'étais égoïste, je le sens. Je n'avais qu'un mot à dire pour nous épargner bien des privations. »« Ma chère enfant !» repart Mme Trevenock. « Comment pouvez-vous croire que j'aurais consenti à vous imposer pour l'amour de moi un mari qui vous déplaît? Que m'importe la vie? Malgré toutes les épreuves dont elle a été remplie pour moi, j'étais bénie dans mes chères filles. Tout ce que j'aurais voulu, c'était de savoir votre sort et celui de votre sœur assuré. Ah, ma mère, que j'ai mal su reconnaître votre tendresse et votre dévouement. Je n'ai songé qu'à moi, et qu'un amour qui n'est plus qu'un malheur pour moi. » Mme Trevenock secoue tristement la tête et se prend à pleurer. « Ma chère, dit-elle, vous ne pouviez épouser un homme qui n'est pas digne de vous. Ne me parlez pas de lui, cela m'est trop pénible. » Peu de jours après cette conversation, Mme Trevenock tombait malade. C'était la conséquence des fatigues qu'elle s'imposait depuis longtemps sans consulter ses forces. Pour la première fois de leur vie, Barbara et Florence virent un médecin franchir le seuil de leur maison. Dès que l'homme de l'art fut sorti de la chambre de leur mère, elles le prirent à part et lui demandèrent avec anxiété comment il trouvait sa malade. Il ne leur dissimula pas que son état était très grave, mais il leur fit espérer aussi que tout était réparable avec un bon régime, un repos complet, du vin vieux, des gelées de viande, l'air de la mer et la tranquillité de l'esprit. Puis en les quittant, il leur dit « À demain ». « Que faire ?» demanda Florence à Barbara. « Sauvez notre mère à tout prix !» répond sa sœur avec une voix suffoquée par les sanglots. « Surtout, il ne faut pas qu'elle s'aperçoive que nous avons pleuré !» Barbara monte chez sa mère. Florence, sans plus tarder, prend le parti d'aller chez son père. Coûte que coûte, sa mère aura ce que le médecin a prescrit. Quand Mme Trevenock s'éveilla, Barbara était assise près du lit de sa mère. « Le docteur me trouve-t-il très malade » demande-t-elle d'une voix faible à sa fille. « Non, ma chère mère, mais il a ordonné plusieurs choses que je dois aller chercher immédiatement. Désirez-vous que je dise à Amélie de venir près de vous ?»« Non, je préfère rester seule jusqu'à votre retour. Vous ne serez pas longtemps, n'est-ce pas? Je suis si heureuse de vous voir à mon chevet. » Barbara va ensuite chercher la bourse qui contient leurs réserves. Hélas, elle est presque complètement vide. « Ah, que la pauvreté est un pesant cauchemar !» se dit-elle. « Je ne l'ai jamais sentie comme aujourd'hui. Que faire ?» Elle ouvre un tiroir et fixe les yeux sur un petit écrin. Que contient-il? Hélas, son seul trésor, la bague que George Leland lui a donnée. C'est un cercle plat avec un brillant pour chaton. Barbara s'était promis de la garder aussi longtemps qu'elle resterait fidèle au capitaine, ou autant qu'il ne la lui redemanderait pas. Mais si douloureux que soit le sacrifice, il faut se séparer de ce souvenir, du moins pour un temps. Barbara dirige ses pas vers un magasin aux vitrines duquel elle et sa sœur avaient bien souvent jeté un coup d'œil. Montres, chaînes d'or, pièces d'argenterie éblouissantes y sollicitent les regards des passants. Sur le côté se trouve une petite porte mystérieuse par laquelle Barbara se glisse furtivement. Une Irlandaise maigre, pâle et aux yeux noirs brillants d'un feu sombre, est debout au fond d'une pièce près d'un paquet de hardes qu'un jeune homme examine dédaigneusement en attendant l'offre du vendeur. Il laisse l'Irlandaise à ses réflexions et vient demander à Barbara ce qu'elle souhaite. Maintes fois de jolis visages se sont faufilés dans cet antre. Néanmoins, le marchand semble stupéfait de la beauté de Barbara. « Je désire savoir si vous pourriez me prêter quelque argent sur cette bague, » dit-elle, en affectant de parler avec autant de sang-froid que si elle avait l'habitude des transactions de ce genre. « Cela dépend de la valeur de la bague et de la somme que vous me demanderez. » Barbara dépose la bague sur le comptoir. Le marchand prend le bijou entre le pouce et l'index, le recule puis le rapproche. Il examine le diamant, souffle dessus, le mouille avec le bout de sa langue, le frotte avec une peau et semble enfin convaincu que c'est bien un véritable diamant. Les minutes semblent des siècles à Barbara. « 2 livres 10 shillings ?» dit-il d'un ton interrogatif. « Je ne peux vous en donner davantage. »« J'aurais désiré plus. Néanmoins, j'accepte votre offre. » Elle tend la main pour avoir de l'argent. « Mais il lui faut attendre que l'on fasse un reçu en règle. » Elle a la mortification de constater que le marchand l'observe avec une malicieuse attention tout en écrivant le duplicata. Enfin, il lui remet l'argent et lui serre le bout des doigts. Barbara retire sa main avec indignation. Ses traits sont contractés par toutes les tortures de l'orgueil humilié. Sa bague de fiançailles ainsi livrée est supportée en outre un pari affront. Mais le souvenir de sa mère raidit cette âme froissée et donne un autre élément à ses pensées. La victoire que le dévouement lui a fait remporter sur elle-même l'indemnise de ses mortifications et de ses regrets. Elle va bravement acheter de vieux vins de Porto, un poulet que sais-je encore. À son retour, Florence raconte à Barbara que c'est seulement au prix d'efforts inouïs qu'elle a réussi à extorquer 25 shillings à son père et qu'il a juré ses grands dieux que ce sont ses dernières libéralités. Qu'a-t-il dit en apprenant la maladie de ma mère ? Il a dit qu'il le regrettait vivement, mais que n'ayant pas le privilège de battre monnaie, il serait, lui, réduit à l'hôpital s'il venait à tomber malade. « Il ne tenait qu'à votre sœur de vous donner le bien-être, » a-t-il ajouté. « Elle a préféré la pauvreté. Eh bien qu'elle s'y tienne !»« Il ne te pardonnera pas d'avoir refusé, M. Penroth. J'oubliais de te dire qu'il est à Londres. » Barbara ne répond rien, mais son beau visage porte l'empreinte d'une mélancolie navrante. Les jours s'écoulent tristement à la Villa des Roses. On arrive au mois de février. La tante Sophie a envoyé un peu d'argent à ses nièces. Ce n'est qu'à force de privations personnelles qu'elles sont parvenues à faire face à tout ce que la santé de leur mère réclame. Un certain jour, Barbara est assise près de la fenêtre pendant que sa mère sommeille. Ses yeux aiment à se reposer sur la nature si sombre qu'elle reçoit. « N'y a-t-il pas, se dit-elle, un mystérieux rapport entre les brouillards et les brumes qui ferment les horizons et l'état de mon âme, les arbres sans feuilles, le ciel sans soleil, la terre sans fleurs, ressemblent à mon cœur sans espérance et sans bonheur. » C'est sous le coup de ces réflexions attristées que Barbara remarque un individu de haute taille qui s'approche de la grille de la Villa des Roses. Il n'y a qu'un pauvre ou un millionnaire qui puisse porter un chapeau et un paletot aussi râpés. Oui, c'est bien lui. Son premier mouvement, c'est d'aller donner à Amélie la consigne de ne pas recevoir. Mais elle se rappelle que sa mère est malade et se ravise en pensant que M. Penroth, dès qu'il le saura, lui enverra du raisin et du gibier. La pauvreté pousse souvent à bien des extrémités. Elle se résigne donc à recevoir M. Penroth. Il s'informe avec un sympathique intérêt de la santé de Mme Trebnock et demande ce qu'il peut faire pour elle. « Je vous serai très reconnaissante si vous voulez bien lui envoyer du raisin. »« Permettez-moi d'y joindre des fleurs, » dit-il, « pour parer la chambre de votre mère malade. »« Ah, que vous êtes bon, » dit-elle en lui tendant la main et les yeux pleins de larmes. « Je vois à quelle douloureuse pensée vous êtes en proie, et combien vous souffrez de ne pouvoir procurer à votre mère tout ce que vous voudriez. Me pardonnerez-vous de vous demander encore si vous voulez échanger la pauvreté contre la richesse ?» Si vous voulez être la maîtresse d'une véritable fortune, si vous voulez être la femme d'un homme qui vous adore, je ne puis accepter une offre si généreuse. Vous me détestez. J'ai donné mon cœur à un autre, et si je consentais à vous épouser, ce ne serait que par l'effort suprême d'un dévouement héroïque pour ma mère et pour ma sœur. Voudriez-vous m'épouser, je vous le demande, dans de telles conditions ? Oui. Pourvu que tout soit fini entre vous et celui que vous aimez ? Sans être jaloux par nature, je sens que j'éprouverai pour lui une haine sauvage. Il est bien loin, et tout est fini entre nous, quoique je ne puisse jamais l'oublier. Barbara, Le temps et mon amour vous aideront à triompher de ce souvenir. Voulez-vous être ma femme? Dites, Barbara, y consentez-vous? Vous savez quelle sera la cause de mon consentement. Mon respect du devoir restera ma seule sauvegarde et la vôtre. Je ne vous demande rien de plus sans retour de mon amour. Vous ne savez pas, Barbara, ce que c'est pour un homme de mon âge que d'aimer comme je vous aime. Ce serait encore trop peu dire que de dire que mon amour pour vous est plus ardent que la flamme, plus fort que l'acier. Je ne vous parlerai jamais de celui qui vous a leurré d'un fol espoir. De même, ne prononcez jamais son nom devant moi. C'est tout ce que je vous demande. Acceptez-vous ce pacte ? Oui, dit-elle en soupirant. Quelques instants après, M. Penruff s'empare de la main de Barbara, la porte respectueusement à ses lèvres, puis lui dit « Je compte rester à Londres jusqu'au rétablissement complet de votre mère. Nous fixerons alors le jour du mariage. »« Si tôt ? » s'écrie-t-elle. « Oh non, pas cette année. Pourquoi attendre ? Je ne vous connaîtrai jamais mieux. Je ne vous aimerai jamais davantage. » En prononçant ces mots, M. Penruff passe son bras autour de la taille fine et souple de Barbara et dépose sur son front un baiser brûlant. Il lui dit en la quittant « À demain. » À toujours. Il part heureux comme un roi, laissant Barbara la mort dans l'âme. Ah, que je suis faible, se dit-elle à elle-même, les yeux fixés à terre, car la pensée de ma mère est impuissante à me réconcilier avec la résolution que j'ai prise. Barbara monte à la chambre de Madame Trevenock et reste silencieuse près de son lit. Pourquoi êtes-vous si taciturne depuis quelque temps, ma chérie? Auriez-vous de nouveaux chagrins? Si c'est la volonté de Dieu que je meure, j'espère qu'il ne vous abandonnera pas et que sa protection se montrera sous la forme de bienfaiteur ou d'ami. Parfois, en pensant à votre avenir, ma pauvre tête se monte à un tel diapason que mon cerveau se trouble. Ma mère, vous n'avez plus à vous inquiéter de notre sort. Guérissez-vous. Recouvrez la santé et des forces. C'est tout ce que je demande à Dieu. Puis, s'approchant d'elle, elle lui dit à voix basse et d'un air mystérieux, un jour viendra où nous serons tous riches, très riches, et où je serai la femme la plus riche du Cornouailles. « Comment ? » dit Madame Trevenock en passant sa main amaigrie sur son front. « Je serai Madame Penruff. »« Mon ange !» s'écrie Madame Trevenock en pressant sa fille sur son cœur. « Maintenant je puis mourir, et mourir heureuse. »« Non, ma mère, il faut que vous viviez, je le veux !» dit-elle en tombant à genoux près du lit de sa mère et la tête à moitié cachée sous les couvertures. Elle ajouta « Oui, je le veux !» car c'est à vous seul que je me sacrifie.